130 livres, chronique du 1er juillet 2020, Lève-t'en gauche et comptez debout, de Frédéric Roux. Deux pépites d'un même auteur qui cause de noblards et dont les couvertures reproduisent un diptyque signé Didier Paquignon d'une violence achevée, comme si les bouquins se mettaient sur la tronche. Autant dire que l'arbre vengeur a le sens de la mise en scène. C'est visuel, c'est du brutal, mais pas seulement. Entre Lève-t'en gauche, roman manifestement inspiré de l'expérience pugilistique de Frédéric Roux, et Comptez debout, compilation des meilleures anecdotes recueillies par l'intéressé sur les plus grands champions de tous les temps, ça castagne aussi pour savoir qui dit la vérité. Car la boxe est une inépuisable pourvoyeuse d'histoires, qu'elles adviennent hors du ring ou entre les cordes, et ses plus grands spécialistes s'appliquent rarement à isoler l'effet du mythe. Peu importe au fond si ce qu'on rapporte de Willie Pep, Jack Johnson ou Muhammad Ali est bien arrivé ou pas, on y croit parce qu'ils sont différents. Parce que le commun des mortels ne comprendra jamais vraiment celui qui met les gants pour boxer ses semblables, souvent pour pas un rond. Il est extraordinaire au sens premier du terme. Ainsi, il fascinera toujours et l'on croira sans peine à son étrangeté. Lequel des deux livres en dit donc le plus sur ces gars-là, de l'œuvre de fiction ancrée dans le réel ou du recueil de citations plus ou moins bidonnées? Extrait. Au cours de son combat contre Larry Holmes, l'arbitre demande à Tex Cobb s'il sait où il est. « Je suis à Reno où je me prends une sacrée branlée », il lui répond. Comme le massacre continue, Mills Lane lui demande. « Vous me voyez ?»« Ouais, vous êtes blanc. Mon problème, c'est le noir. » Un peu plus tard, il se tourne vers l'arbitre. « Vous êtes blanc, non? Vous pourriez quand même m'aider un peu ?» D'à peine 100 pages, Comptez debout s'avale comme un bonbon. Les anecdotes y sont relatées sans ordre particulier, mais avec un art consommé de la chute, en 5 lignes comme en 50. Les boxeurs y apparaissent tour à tour roublards et bien naïfs, malins et pas mal crétins, méchants et pleins d'empathie, trouillards et franchement inconscients. De ces dizaines de scénettes racontées mille fois en rigolant fort et picolant sec, Frédéric Roux élimine toute la mauvaise graisse. Il garde des épures, narrées dans un style à la fois sobre et empreint d'oralité. On s'y croit. Les connaisseurs s'amuseront plus facilement de fait de ces situations vécues par les stars d'antan, souvent américaines, boxeurs, coachs, managers ou journalistes, que les novices complets. Y transparaissent de grands classiques. Le solide appétit sexuel des boxeurs, leur rapport fasciné et pas toujours avisé à l'argent, la réalité intemporelle des combats arrangés, ou la fierté et l'irrévérence inextinguible de ces mâles alpha entre tous. Pour se constituer une étagère de bibliothèque spéciale boxe, Comptez debout relève plus du plaisant que de l'indispensable, il en va autrement de Lève-t'en gauche. Extrait. Maxie Rosenblum a rencontré Jimmy Slattery 3 fois à Buffalo et vite compris qu'il ne gagnerait jamais dans la ville natale de Slats. Alors il a misé $5,000 sur Slattery. 4 premiers rounds, rien. Dans un corps à corps, Maxie chuchote à l'oreille de Jimmy. « T'as quelque chose, Slats, j'ai parié sur toi. » Et Slats lui répond « Merde, moi j'ai parié sur toi. » Réédité pour la sortie de Comptez debout et complété pour l'occasion de savoureuses pré- et post-faces de l'auteur, ce roman s'attache à l'obscure bande de pugilistes amateurs d'un club landais, dans la France pompidou-giscardienne. Celle qui compte toujours en ancien franc, roule en R8, court sur de la cendrée, préfère le catch local à l'américain et allume sa gauloise au mégot de la précédente. Ici, pas de récit épique d'une ascension et d'une chute si chère aux écrivains mordus de boxe, juste l'existence brute de ceux qui n'en vivent pas, mais s'y raccrochent au quotidien. Probable alter ego de Frédéric Roux, François émerge de cette clique. Du premier au dernier combat, son parcours structure Lève-t'en gauche. Intellectuel en plein rejet de son héritage bourgeois, il embrasse la boxe pour ne choisir rien d'autre, lui qui vit de petits boulots et de la mansuétude de son épouse. Au club, on ne se fait pas de cadeaux. Les Marlots forment une étrange confraternité, unie comme aucune autre, en pilant les kilomètres en guimbarde de gala en gala au cul du loup. Sans la boxe, il n'aurait pas grand-chose à se raconter, et il y a gros à parier qu'ils ne resteront pas copains après. Si l'aréopage finit par accepter François, c'est parce qu'il a la vista, et le gauche qui va avec. L'entraîneur Edmond, gueule cassée et capiteux par fin d'anis, n'est pas long à le capter. Rachid non plus, lui le meilleur d'entre eux, celui qui boxe pour dompter sa honte. Les autres suivront. Durandal, qui aime surtout fermer des bouches en les pétant, Kikuyu, expert en bagnole toujours dans les bons coups, José, tignasse de plagiste et énergie de Priapic, ou Serge, aussi bon qu'on puisse l'être sur un ring avec 4/10 à un œil. Extrait. Venu de là d'où il venait, il aurait pu, c'est vrai, stationner au Rêve Vulgaire, un poste d'agrégé à Romorantin, et ses week-ends sous-exposés de magazines en pull irlandais, celui où il n'y avait pas eu assez de joints pour tout le monde, quelle horreur! Et quand le congélateur était tombé en panne? Potage et hi-fi, adultère consenti, la vraie vie tremblotait aux façades des teneurs. Seulement voilà, il n'avait pas pu, il avait reculé ou tourné le dos, il ne savait pas très bien, il ne voulait plus depuis longtemps la changer, c'était pas sa vie, c'est tout. Il n'avait trouvé que cela pour se distinguer définitivement. Un jour, aller où il n'aurait pas dû, passer une visite médicale, prendre une licence à l'entête de la Fédération Française de Boxe, 62 rue Nollet, Paris 17e, et se tenir à cette plaisanterie. Juste aller au plus étrange, se battre avec quelqu'un. Si l'on y avait été regardé de plus près, on se serait rendu compte que, dans le fond, ça se tenait, mais il ne tenait pas à ce que quelqu'un y aille voir. Tout allait bien pourtant, sa femme était jolie, ils atteignaient l'orgasme, leurs enfants n'étaient pas dyslexiques, moyennant quoi il aurait pu rester en tête-à-tête avec un bistouri une heure entière sans se suicider. De quoi rendre jaloux? Il avait tout secoué malgré tout, pour voir et avec cette impression de connaître la fin qui ne le quittait jamais. Sur 254 pages scindées en 12 chapitres, qui feraient chacun une nouvelle bien troussée, de l'incipit « François s'était endormi champion du monde et il s'était réveillé avec la colique », à la conclusion « François dormait », Lefton Gauche suit l'errance de ces mecs un peu branques, dont le vrai point commun consiste à rester coincé dans le présent. Même sans règle ni gants, la violence n'est jamais très loin, à croire qu'ils ont un radar pour toujours être là où ça pète. On leur glisse un billet pour faire le service d'ordre au meeting d'un candidat aux dents longues, l'un d'eux assiste à la plus grotesque bagarre domestique du monde, ils atterrissent de nuit dans toutes sortes de rades inflammables, un camarade les charge d'une expédition punitive en plein match de foot, sans rien dire d'une mariée modérément joyeuse de voir l'heureux élu rappliquer la gueule en chou-fleur à la cérémonie. C'est qu'il a toujours le sang chaud, juste à point pour la flette ou la castagne, le populo des petites villes que parcourent les protagonistes et que Frédéric Roux décrit si adroitement, même si le consumérisme en détricote les liens et que la fin des Trente Glorieuses renverra bientôt chacun à ses propres galères. La boxe de clocher lui allait bien au teint, une réalité qu'on saisit mal vue d'aujourd'hui. En creux, ce portrait de France moyenne, future ex-ouvrière, fonctionne aussi bien que celui des chamailleurs du ring. Et puis il y a l'évocation du plus beau des sports lui-même, l'ascèse, la psyché et la technique, offertes telles qu'elles sont, sans enfiler les clichés ni trop emmerder le monde. Là encore, du très propre. Extrait. On n'a pas toujours envie, des fois on n'a pas envie, on est fatigué. C'est pas ça, j'étais pas fatigué. Bois ton café, il va être froid. Il m'en a filé plein la gueule, ce con. Ah, pas qu'un peu. Ils ont éclaté de rire en même temps. Serge avait pris des croissants. Il avait pris des croissants pour que François en prenne. Il savait que tout ça, c'était des conneries, qu'il fallait continuer sans se poser de questions, juste continuer. Le doute, c'était pour les autres, ceux qui n'étaient pas fous. Il savait bien que lorsque l'on se demande pourquoi, on ne peut pas gagner, on perd. Qu'il faut arrêter, faire autre chose, qu'on n'est plus fait pour ça. Il ne disait rien à François, il ne voulait pas lui en parler maintenant, juste le bercer. Que François ait une chance d'oublier un combat facile ou deux, on verrait après. Trois tables plus loin, près de la sortie, un type était assis devant un viandox. Des ficelles lui sortaient des poches, la table d'à côté, une bande de jeunes. La nuit faisait la queue au portillon mécanique. Ils commandaient des sandwichs à la mayonnaise, des tartes aux frites de toutes les couleurs. Ils avaient l'air fatigués et le néon leur faisait des mines de fantômes. Ils riaient trop fort en faisant semblant de piquer des bouteilles d'orangina. Tout le buffet était comme ça, du malheur dans tous les coins, et eux, ils étaient au milieu avec le leur, devant leur café et leur croissant, et qui ne disaient plus rien. Le vieux scurait les ongles avec un opinel, un couple s'embrassait, là ou dans un lavamatique, qu'importe. Mais on en revient toujours à la langue, quand il faut expliquer la vraie grandeur d'un livre. Comptez debout est un recueil façonné sur le principe de l'économie de mots, c'est à la fois son projet, sa qualité et son défaut. Lefton Gauche, lui, acte comme tout premier roman la naissance d'un style. Et quel style ? Sa vie, ça colle au propos, ça accélère ou ralentit quand il le faut, ça pioche sans lourdeur dans plein de registres à la fois, ça ne force jamais l'originalité. Et ça fait rire implacablement, parce qu'en littérature, intention, justesse et maîtrise marchent à tous les coups. Après 20 pages, c'est joué, le lecteur sait qu'il y a de la mâche. On entame ensuite chaque phrase convaincu qu'il s'y passera peut-être un truc spécial, le genre de victoire de primo-romancier qui vaut sa ceinture de champion. Alors, lequel des deux parle le plus vrai sur la boxe anglaise? On m'entend venir avec mes chaussures d'entraînement lestées, les pieds bien plats, pesant sur mes appuis. Il faut les lire, l'un et l'autre, aussi indissociables que l'éditeur nous les présente. Tout en gardant à l'esprit qu'avec « Lève ton gauche », on tient peut-être le plus grand des romans de boxe écrits en langue française, ce qui, en dépit de la confidentialité du sujet vu de chez nous, vous pose un poids lourd, un vrai.